Le rassemblement de la direction d'État d'invention a eu lieu le 19 à l'occasion de son 70e anniversaire. Y ont pris part le vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, Choi Tae-bok, les quatre intéressés et le personnel de la direction. Choi Tae-bok a transmis le message de félicitations du comité central du parti à l'adresse du personnel de la direction. Le message indique « Le président Kim Il-sung a fondé le 20 mai de l'an 35 du juillet 1946 la direction d'État d'invention, jeté les assises solides des meilleures inventions par sa direction dynamique. Le général Kim Jong-il a conduit la direction à faire un apport au développement des sciences techniques du pays. Après sa fondation, sous la direction et les soins cordiaux des grands hommes Vectusan, la direction est transformée en établissement administratif d'invention du pays, muni du doctorat pour la formation des spécialistes de la propriété intellectuelle, du système d'examen et enregistrement des inventions et brevets, et des bases de données d'invention et brevets de l'intérieur et de l'extérieur du pays, pour accomplir sa mission destinée à accélérer l'édification d'une puissance des sciences techniques.